Sur l'antenne du 94 MHz ou en streaming sur internet, également sur asile35.blogspot.fr. Ça, c'est le blog de l'asile. Donc, si vous êtes, si vous écoutez l'émission en direct le lundi, les playlists sont postées à peu près au milieu de semaine, donc deux jours après l'émission. Si vous écoutez le dimanche, elles sont déjà disponibles. Évidemment, si vous écoutez directement sur internet ou si vous podcastez l'émission, vous avez possibilité de vous référer aux différents titres et aller voir un petit peu plus loin que les extraits sonores proposés dans le cadre de cette émission. On commence par un groupe obscur d'il y a une trentaine d'années. Alors c'est vrai que l'Asile d'Obscur est plutôt spécialisé déjà dans la micro-édition underground, mais alors là c'est de l'archi-underground. Je ne sais même pas si notre camarade de Psyché qui officiait à cette même place juste avant cette émission connaît ce groupe anglais de la première moitié des années 80 qui sévissait dans le post punk Rock in Opposition, un groupe un peu à la Z-Sit. C'était d'ailleurs des camarades de jeu de Chris Cutler de Recommended Records qui les a signés sur son label, également de Tim Hodgkinson et de Mick Ops. J'ai nommé les Unrest Work and Play, un duo guitare très percussif avec des voix un peu particulières, Andy Wake et Chris Fraser, une formation qui a sorti uniquement deux EP 1982-1983 et un vinyle long sur ce fameux label Recommended Records. Et je propose d'écouter un extrait du Sound Everyday sorti donc en 83 par ce groupe Unrest Work and Play, et on écoute le morceau Change qui est très très speed. On écoute ça pour démarrer l'émission, ce Unrest Work and Play. We'll be right back. expose the myth for the curtain that hides us. Don't need pictures anymore. Action paintings are now for the world. The have passed to pastures new of John's love. You must take part in solid constant succession of unit and body parts. Oui, une séquence revival pour démarrer avec deux groupes de l'underground britannique, histoire de montrer qu'il y avait quelque chose sous le smog londonien dans la fin des années 70, début des années 80, et des groupes un peu dada qui officiaient assez loin des scènes punk. Tout d'abord, Unrest, Work and Play, une formation qui a sorti très peu de choses, qui est retournée dans l'anonymat le plus obscur quelques temps après, vers le milieu des années 80, après avoir sorti 2 EP et 1 LP, notamment ce EP qu'on écoutait, que j'écoute toujours de temps en temps, Sound Everyday. C'était distribué par Recommended Records et en France par Aya Records. Également pour ceux qui s'intéressaient aux musiques de traverse dans les années 80, et c'était enchaîné avec les fameux Reynaldo and the Loaf. Reynaldo and the Loaf, duo britannique assez proche des Residents d'ailleurs, constitué de Brian Poole alias Reynaldo Malpractice et David Johnson alias Ted The Loaf. Ils ont une carrière nettement plus fameuse que Unrest, Work and Play, qui s'est étalée entre le milieu des années 70 et 1988 à peu près. Et je vous passais donc une séquence avec deux disques enchaînés. Leur tout premier, Reynaldo and The Loaf Play Struve and Sneff, un titre de cet album donc de la fin 70-79 si je ne m'abuse, qui était enchaîné avec un titre plutôt là du début des années 80, en fait un morceau inédit de leur album, certainement le meilleur qu'ils aient publié à cette époque, Songs for Swinging Larvae, deux albums qui viennent tout juste de revoir le jour par des rééditions grâce au label Klang Gallery, qui a réédité ces deux très bons LP de Reynaldo and the Loaf à l'identique en CD, avec de l'iconographie et des notes de pochette assez copieuses, et surtout un deuxième disque d'inédit qui accompagne donc ces rééditions. Pour Reynaldo and the Loaf Play Struve and Sneff, il s'agit d'un live de 1980 qui n'avait pas vu le jour jusqu'ici, et donc des titres préparatoires aux Songs for Swinging Larvae et autres joyeusetés comme celle qu'on entendait, qui faisait d'ailleurs furieusement penser à du Volcano The Bear. La proximité avec Reynaldo and the Loaf est assez flagrante. Voilà, on continue avec la dernière sensation du free rock, en tout cas en ce qui me concerne. Ils sont américains, ils sont originaires de Boston, ils s'appellent Guerrilla Toss. Je vous ai déjà proposé un extrait de leur très très bon disque qui vient juste de voir le jour sur NNA Tapes en vinyle. Il s'intitule Gay Disco. Je propose d'entendre ce soir le Sugar Better par Guerrilla Toss. I hear you were gallivanting, pinching l'instant dans l'asile le plus sûr. On a entendu tout d'abord les frappadingues ou les doudingues de Guerillatos avec leur dernier opus Gay Disco. Alors je crois que c'est le troisième LP en date de cette formation qu'on a découverte en début d'année par un album qui était déjà plutôt pas mal sorti chez Tzadik. Cette fois-ci c'est sur NNA Tapes qu'ils se sont fendus d'un vinyle qui est à quelques encablures devant, nettement plus secoué et dans le bon sens, ce Gay Disco par Guerillatos, dont on vous reparlera certainement dans les semaines qui viennent. Et c'était enchaîné avec un groupe d'une sensibilité un peu différente, même si plutôt dans le free rock également. Il s'agissait des Norvégiens de Astro Sonic et leur tout premier opus Come Closer and I'll Tell You. Donc premier disque pour ce nouveau trio norvégien à base de claviers vintage, Rode, synthé, Prophet 5, Voyager, basse et batterie. Un projet dans la lignée de ce qu'on a pu entendre ces dernières années du côté du label Rune Gramophone, notamment Super Silent ou encore Hum Crush. C'est sorti ce Come Closer and I'll Tell You sur le label dont on vous dit le plus grand bien très régulièrement à l'antenne, le label Ubro, qui sort beaucoup de choses plutôt pas mal, comme récemment le Cakewalk, autre projet un peu dans les mêmes colorations, mélange de clavier, de séquences motoriques, d'ambiance électronique et de post-rock. En ce qui concerne Astrosonic, c'est une tambouille avec des pièces courtes entremêlées avec des titres assez prenants. Bref, la formule d'un disque plutôt réussi. On va continuer avec des combos français cette fois-ci, et on démarre avec une découverte. Il s'agit d'un groupe parisien de quatre bûcherons qui revitalise les musiques industrielles. Le groupe s'appelle Cage Apothique. Ils viennent de faire paraître Hushed Are the Wounds, sorti sur GmbH en coproduction avec La Nouvelle Alliance. C'est un 25 cm ou encore un mini-album avec un énorme travail pour ce combo Cage Apothique sur la distorsion tant guitaristique que synthétique, avec des choses plutôt arches sur les bords, et également des compositions un peu plus tribales, une sorte de croisement entre Sister Yodin et Savage Republic. Je remercie d'ailleurs l'ami Xavier de Perte et Fracas, de l'excellent blog pertefracas.org, pour m'avoir mis la puce à l'oreille pour écouter la musique de ces quatre psychotiques Cage Apothique. Je propose d'écouter le titre The Sound and the Furious Smell of the Havers par Cage Apothique. Et juste pour vous signaler que l'album est en écoute quasi intégrale ou intégrale sur leur soundcloud.com, Cage Apothique, APOTH2EK. On écoute ça tout de suite. They're hostile.

Et oui, encore une vie dans le rock, dans l'Hexagone, comme on a pu s'en rendre compte. Tout d'abord, à l'écoute de la musique de ce jeune projet Cage Apotic, donc quatre furieux qui officient apparemment dans différents groupes et qui ont formé donc ce projet très industriel et qui ont sorti donc ce mini-album Hushed Are the Wounds. Ils ont d'ailleurs ressuscité le label GmbH, qui est un vieux label de musique industrielle hexagonale, pour cette occasion, et c'est coproduit par La Nouvelle Alliance. Donc c'est sorti à la rentrée. Il y a moyen de se procurer ce mini-album auprès du groupe ou de différents distributeurs sur internet. Ça fait pas mal penser à du Sister Yodin, ce que peut faire Sister Yodin aussi actuellement. Musique très déstructurée, avec un côté industriel un peu aussi à l'allemande, si on pourrait dire. Je suis pas forcément toujours convaincu par la partie vocale de ce projet Cage Apotic, mais pour le reste c'est plutôt à suivre d'assez près. Et c'était enchaîné avec un autre projet qui là n'est pas une paire de manches. Il s'agit de Oiseau Tempête, qui est un jeune projet là encore, qui vient tout juste de sortir le disque du même nom sur le label Sub Rosa, un double album fleuve par ce combo qui est mené par monsieur Frédéric D. Oberland, que je découvre d'ailleurs pour cette occasion, mais qui sévissait dans un autre combo qui avait sorti un disque l'an dernier qui avait été assez signalé, à savoir le Réveil des Tropiques. Et donc il a embarqué son bassiste ainsi qu'un batteur américain, si je ne m'abuse, monsieur Ben McDonald Connell de Au revoir Simone, dans un projet post-rock atmosphérique qui fait beaucoup penser à du Godspeed You Black Emperor. Alors pas du tout sur le morceau qu'on entendait, mais sur quantité d'autres pièces. Donc une musique très lancinante et très prenante. C'est une musique qui est souvent accompagnée d'ailleurs de visuels et d'images qui bougent. Apparemment en concert, Oiseau Tempête. L'album est assez recommandable, même si c'est quand même un peu du copier-coller par certains côtés de Godspeed You Black Emperor. Je pense qu'en concert, ça doit être plutôt pas mal et assez prenant aux tripes. D'ailleurs, je pense que c'est un groupe qui devrait aussi exploser dans les semaines et mois qui viennent, s'ils arrivent à décoller malgré la tempête. Donc sorti sur Sub Rosa, album que je ne peux que vous recommander. On continue avec une séquence électronique et un musicien que j'avais déjà eu l'occasion de vous proposer dans l'Asile le plus sûr. J'ai nommé monsieur Charles Cohen, musicien totalement inconnu au bataillon et surtout promoteur de synthé analogique, notamment le VCS3. C'est quelqu'un qui a été assez actif dans les années 70 et 80 du côté de Philadelphie, si je ne m'abuse, plutôt en tant qu'accompagnateur de projets chorégraphiques. Et le label de musique proto-électronique technoïde allemand Morphine Records vient de rééditer la plupart de ses pièces, enfin beaucoup, un certain nombre de pièces et de travaux entre 1978 et 1989 sous la forme de plusieurs disques. Celui qu'on va écouter ce soir, qui s'appelle Groupe Motion, et également un Music for Dance and Theater, et une autre compilation sous le titre The Middle Distance, donc une très très belle rétrospective des pièces de Monsieur Charles Cohen. Et je propose d'écouter donc un extrait d'une performance en concert pour accompagner une musique de ballet, extrait de ce Groupe Motion, le morceau Groupe Motion Performance, ou tout au moins un extrait de cette longue pièce de 13 minutes. Thank you. On a démarré cette séquence qui mettait la tête dans un sac avec Charles Cohen et un extrait de son groupe Motion LP sorti sur Morphine Records. Charles Cohen, musicien de Philadelphie qui officiait sur synthétiseur de monsieur Don Buchla et non pas sur VCS3. J'ai commis un crime de lèse synthétiseur. Donc, il pratiquait surtout sur le Buchla Music Easel Synthesizer. D'ailleurs, on peut avoir des photos sur son site internet qui doit être quelque chose comme Charles Cohen. Je crois qu'il a un blog, il a aussi un blog, enfin en tout cas il a une page sur internet Wikipédia avec pas mal d'informations et donc pour découvrir sa musique, une rétrospective avec pas moins de 4 LP grâce au label de monsieur Rabbi Beyani, le label Morphine Records, et c'était enchaîné avec la musique de Barnett et Colocha, extrait de ce Retrival sorti sur le label Blackest Ever Black. Barnett et Colocha qui ne sont autres qu'un duo mixte hommes et femmes, à savoir Faith Colocha qui est la demoiselle qui officiait donc dans ce projet et qui est plus connue comme membre du projet Mammifère, donc c'est une américaine, et monsieur Barnett que je ne connaissais pas non plus, Alex de son prénom, donc a priori deux américains pour un projet qui revisite pas mal la musique des années 80 avec un son nettement plus contemporain, une musique un peu doom drone synthétique, musique qui est assez proche de celle qui sort assez régulièrement sur le label Blackest Ever Black, musique un peu post-industrielle. On va continuer toujours dans les musiques électroniques avec cette fois-ci le label de Cologne Décordeur. Décordeur qui a une actualité assez chargée en ce mois de décembre avec plusieurs parutions et notamment dans la petite série pour fêter les 10 ans du label. Petite non pas par le nombre de ses disques mais plutôt parce qu'il s'agit de vinyle une face, de maxi ou de mini album avec un peu tout le catalogue de Décordeur qui rend hommage donc à cet excellent label mené par les gens de Black to Come, donc une série qui a déjà vu quelques parutions et qui va continuer en partie au cours de l'année 2014 avec notamment dans les projets à venir Acceptor, Sonic Boom, Black to Come également, et donc plusieurs parutions déjà dans cette hybride série, notamment un mini album de Kemialiset Istavat, en fait un maxi de titres qui était déjà paru il y a quelques années. Il y a aussi un maxi de Ensemble économique de Alien Radio également. Et là, je vous propose d'écouter le LP. Là, c'est carrément un album long. Donc, c'est une série assez qui n'est pas complètement, qui ne propose pas que des maxis. Et donc, ce disque de Décordeur de monsieur Luc Fowler que je découvre avec ce Fall Tapes numéro 2. Alors c'est un jeune musicien qui n'est pas que musicien, il est également plasticien et vidéaste expérimental. On va écouter une séquence extraite d'une des deux pièces de 20 minutes qui illustre donc ce disque de Luc Fowler, Fall Tapes number 2. bout et on commence à peu près à la minute 6 de cette face A de Luc Fowler. une séquence de musique électronique totalement impossible à danser comme on les aime dans l'Asile le plus sûr, qui a démarré avec un extrait du premier album du britannique Luke Fowler. L'album s'intitule Foul Tapes Number 2, de la musique électronique, électroacoustique, un peu répétitive, avec pas mal d'expérimentation assez intéressante. C'est sorti sur Décordeur, qui publie également d'ailleurs un tout nouveau trio dans lequel on retrouve ce même Luke Fowler en compagnie de je crois qu'il est de Glasgow d'ailleurs, Luke Fowler, comme Richard Youngs, qui se retrouve dans le projet Lurist, et également monsieur Stephen Warwick alias Het Sick, que je proposais aussi il y a de ça quelques semaines, et qui a sorti un album récemment sur Pan Records. Donc l'album de Lurist, c'est volume 1 Red and Blue. Alors c'est pas un album absolument abouti. Quant à celui de Luke Fowler, Foul Tapes, il est vraiment plutôt recommandable. Et c'était enchaîné avec une séquence cette fois-ci de musique un peu électronique harsh noise, ce qui est assez normal avec le regretté Zbigniew Karkowski, qui est officier sur ce disque Horologie, sorti par le label polonais Monotype Records au printemps dernier. Zbigniew Karkowski en compagnie de Jean-Louis Hutta et Lars Akerlund. Tout ça pour vous signaler la disparition du compositeur plutôt estampillé Arch Noise, Zbigniew Karkowski, le week-end dernier. Donc on a appris ça samedi matin. Il est décédé le 12 décembre, très exactement, d'un cancer au pancréas foudroyant. Zbigniew Karkowski, qui pratiquait les musiques électroniques depuis quelques 25 ans, avec une manière assez singulière de revisiter le patrimoine des musiques contemporaines, un peu dans les pas de Xenakis, dans le cadre des recherches sonores. On va continuer avec une séquence de jazz scandinave et le retour pour du trio The Thing, mené par le baritoniste saxophoniste hurleur Mats Gustafsson, en compagnie du bassiste très électrique Ingebrigt Åkerflaten et le batteur Paul Nissenlove. Le trio The Thing qui est de retour avec un tout nouveau disque qui s'intitule Boot. C'est sorti sur leur propre marque étiquette discographique qu'ils viennent tout juste de lancer sous le nom de The Thing Records. C'est distribué d'ailleurs par les bons soins du label autrichien Trost, ce label The Thing Records, et ils ont pour projet d'ailleurs de rééditer l'ensemble de leurs frasques discographiques, ce qui fait quand même un petit paquet d'albums à sortir, vu qu'ils existent depuis quasiment entre 16 et 18 ans, et ils viennent d'ailleurs de démarrer avec une réédition aussi de leur album Mono, qui était sorti en 2011. On écoute le titre Reboot, extrait de cet album Boot, par les excellents The Thing. Thank you. Le free jazz chauffé au fer rouge et à la musique de The Thing et de cet excellent dernier disque The Boot, sorti sur The Thing Records, avec pas mal de parutions à arriver dans les mois qui viennent et de rééditions de la musique du trio scandinave. Je voulais vous signaler une info-concert et pas des moindres avant de se quitter avec une soirée organisée par la Maison 2 La Grève à Rennes et une soirée de jazz improvisée à ne pas manquer demain soir, mardi 17 décembre. On pourra y retrouver monsieur Jean-Luc Guyonnet du trio Ams Room et de quantité d'autres projets à son actif, donc sax improvisé en compagnie de David Chiesa à la contrebasse et de Thomas Gouban aux percussions et batteries. Donc tout ça à la Maison de la Grève au 37 de la rue Le Graveran. Plus d'informations en allant par exemple sur le site Maison de la Grève, comme ça s'écrit, .boom.org. Voilà, on se quitte avec un dernier disque et cette fois-ci du jazz plutôt polonais. Il s'agit d'un album d'un nouveau quartet publié par les bons soins du label portugais Clean Feed sous le titre Tone Hunting. On y retrouve une saxophoniste que je découvre sur cet album, Anna Kaluza. Également deux musiciens qu'on a pu écouter dans l'Asile le plus sûr sous le nom de Micro Lective, avec un disque qui était sorti sur Delmark il y a de ça quelques mois, qui était vraiment très très très bon, et qui sont aussi d'ailleurs ces musiciens de Micro Lective des membres de Roboto Bebop, voilà, des ex-membres de Roboto Bebop plus exactement. Ils sont en compagnie donc le trompettiste Arthur Majewski et Kuba Souchar à la batterie, du bassiste Rafal Mazur. Le disque s'intitule Tone Hunting et il fera un très très bon morceau pour conclure l'émission L'Asile le plus sûr de cette semaine. Je vous souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d'année et aussi un bon repos si vous prenez des congés, et on se retrouve en début d'année prochaine en direct. D'ici là, ce sera des émissions qui seront enregistrées pour les 15 jours de break de la trêve des confiseurs. Donc joyeux Noël à tous et à l'année prochaine. On écoute donc la musique de Anna Kaluza, Arthur Majewski, Kuba Souchar, Rafal Mazur et le disque Tone Hunting. Je vous souhaite une très très bonne nuit et une bonne semaine. À bientôt. We'll be right back.